Emmanuel n'a pas appris à aimer dans les manuels. Emmanuel a besoin de sa dose de je t'aime annuel. Emmanuel aime les intellectuels et les manuels.